Il est né à la fin des années 70, signe d'espoir et de renouveau pour un couple d'immigrés. Le Frelot, c'est l'un des premiers à porter le nom de guerrier. Une enfance tumultueuse qui a su nous laisser des séquelles émotionnelles, qui aurait pu nous tuer si l'amour n'était pas constamment présent. Loin d'être millionnaire, la fraternité ainsi que la passion d'une mère et d'un père ont su nous sauver de là, même si le fridge n'était pas tout le temps plein, hélas. Un peu plus tard, il en a fallu du courage. Erreur de jeunesse qui plongea la mif dans la tourmente. Chacun retranscrit à sa manière cette haine trop gourmande, étant le fruit de multiples injustices. Mais au fil du temps, on a su remonter la pente, surmonter les épreuves malgré la peur au ventre. Aguerri, car la tristesse est une averse qui a su frapper à notre porte. La persévérance est un acquis qui nous fera péter les leurs. À ce qui paraît, ma faillite c'était pour octobre. Tous ces suceurs de zob détruisent mon globe. Je sais que t'as qu'un souhait, c'est sucer mon glock. Mais va savoir qui est le bonhomme. Les honneurs vont vers les gens nobles. Gaffe, fais pas de fausses notes si tu veux pas finir au stop à tapiner. Ou je te verrai ruminer dans ta barbe, car un jour tu te feras éliminer. Oh, que le monde est cruel. Moi j'ai jamais trahi personne sur mes prunelles. Je reste fidèle à mes principes, à ma cause, car faut plus rester passif. Man, on est trop massif pour toi et ta goal. Pendant que je taffe mon rap hardcore, tu remues sur du chaîne pole. Mais ici y'a que des chiens de casse prêts à t'enterrer. Va jeter un coup d'œil dans le canal, voir si un Schmitt a pas jeté un mec bourré. Peut-être que prochain sous Stawam. Mais qu'est-ce tu veux, frelon, on s'adapte, vu qu'ils ont crevé sa dame. Rien que ça parle et que ça te pousse au litige. Je te rappelle qu'en ce franc, ça te met en cage pour des tiges. Gamin, est-ce que tu piges? Que dans la colère y'a rien de bon. Si tu veux survivre, il te faut un salaire. La misère a un goût de lassitude. Je t'avoue, poteau, que j'aurais dû faire des études. Père et mère, sachez que je vous aime. Je voulais pas vous causer tout ce tort. Vous m'avez donné le goût de mort. Les coups du sort m'ont fait connaître le goût du sol. Cette foutue horde fait perdre les pédales, petite polissonne. Le summum est inaccessible. Les hommes morts sont plus accessibles. Vis ma vie tragique. Tu veux une vie d'artiste et vivre caché? Je crois pas que ce soit possible. Va plutôt faire un don pour Sida. Oh, que le monde est cruel. Je crois pas le bout du tunnel. Fais pas semblant, tu l'es. Je vois pas le bout du tunnel. Fais pas semblant, tu l'es. Un passé trouble, livre aujourd'hui des mémoires d'un jeune con. En fin de compte, on s'en est remis. Ne dit-on pas que ce qui ne tue pas rend plus fort? Je dirais plutôt que ce qui ne tue pas rend plus homme. Dans ce monde hors normes et cruel, présumés soldats quittent nos ruelles. Car on est tous faits face à l'imprévisible. Nous c'est les enfants terribles, fils du daron sévère et frère du gars andalo. Les renois qui persévèrent et demandent la sortie, c'est par où?